avait un party d'heure au soir chez Frédéric, Caroline et Catherine. Plein de gens venus juste pour le voir, mais il est pas venu de la soirée. On l'a pas venu venir au party. Il manquait Patrick hier pour verser quelques verres. C'est le barman habituel des parties de chez Fred. Le party commençait à 8h. C'était bien trop de bonheur. On s'est dit Patrick va sûrement arriver un peu plus tard dans la soirée. Mais rendu à minuit, pas de signe de vie. On voyait dans la face des gens l'ennui. Personne savait vraiment faire un Romanco. Sans Patrick, c'était vraiment pas cool. Il manque Patrick hier pour verser quelques verres. C'est le barman habituel des bars et de chez Fred. Oh oh, oh oh, oh oh. Il manque Patrick hier pour verser quelques verres. C'est le barman habituel des bars et de chez Fred. Il manque Patrick hier pour verser quelques verres. C'est le barman habituel.